Le journal d'Internet sud-coréen Minjok Ilbon a véhiculé le 19 courant un éditorial exigeant l'arrestation de Lee Myung-bun, foyer des corruptions.